Premier livre des Chroniques, chapitre 4. Les enfants de Juda furent Pharé, Hetsron, Carmi, Ur, et Sobal. Et Réaja fils de Sobal engendra Jahat, et Jahat engendra Ahumaï, et Lada. Ce sont là les familles des Tsoratiens. Et ceux-ci sont du père d'Étam, Jisréel, Jisma, et Jidba, et le nom de leur sœur était Atselel-Poni. Et Penuel père de Guédor, et Ezé père d'Uza, ce sont là les enfants de Hur, premier-né d'Ephra père de Bethléem. Et Assur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa, et Nahara. Et Nahara lui enfanta Uzam, Ephé, Temeni, et Astari, ce sont là les enfants de Nahara. Et les enfants d'Eléa furent Séret, Jetsohar, et Etnan. Écho engendra Anub, et Tsobeba, et les familles d'Atel, fils de Harom, entre lesquels il eut Jabet plus distingué que ses frères, et sa mère lui avait donné le nom de Jabet, parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec travail. Or Jabet invoqua le Dieu d'Israël, en disant, « Oh! Si tu me bénissais abondamment, et que tu étendisses mes limites, et que ta main fût avec moi, et que tu me garantisses tellement du mal, que je fusse sans douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, et Kelub frère de Sua engendra Meir, qui fut père d'Eston. Et Eston engendra Betrata, Pazéa, et Teina, père d'Irnaa, ce sont là les gens de Reka. Et les enfants de Kenas furent, Otniel et Seraja. Et les enfants d'Otniel, Atat. Et Meonotaï engendra Ophra, et Seraja engendra Joab père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Et les enfants de Caleb, fils de Jephuné, furent, Iru, Ela, et Naam. Et les enfants d'Ela, Kenaz. Et les enfants de Jalel furent, Ziph, Zipha, Tiria, et Azarel. Et les enfants d'Esdra furent, Jété, Mered, Ephé, et Jalon, et la femme de Mered enfanta Marie, Samaï, et Jisba père d'Estomoa. Et sa femme Jéhudija enfanta Jéred père de Guédor, et Ebé père de Soko, et Jécusiel père de Zanoa. Mais ceux-là sont les enfants de Bithia fille de Pharaon, que Mered prit pour femme. Et les enfants de la femme d'Odija, sœur de Nam, furent le père de Keila Garmien, et Estomoa Maakatien. Et les enfants de Simon furent, Amnon, Rina, Ben-Anan, et Tilon. Et les enfants de Jissi furent, Zoët, et Ben-Zoët. Les enfants de Séla fils de Juda, furent, El père de Léka, et Lada père de Maréza, et les familles de la maison de l'ouvrage du fin lin, qui sont de la maison d'Apsbéat. Et Joachim, et les gens de Kozoba, et Joa, et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jazubiléem, mais ce sont là des choses anciennes. Ils furent potiers de terre, et gens qui se tenaient dans les vergers et dans les parcs, et qui habitaient là chez le roi pour son ouvrage. Les enfants de Siméon furent, Nemuel, Jamin, Jarib, Zira, et Saül. Salom son fils, Mipsam son fils, et Misma son fils. Et les enfants de Misma furent Amuel son fils, Zakur son fils, et Simi son fils. Et Simi eut 16 fils et 6 filles, mais ses frères n'eurent pas beaucoup d'enfants, et toute leur famille ne put être aussi nombreuse que celle des enfants de Juda. Et ils habitèrent à Beesheba, à Molada, à Hatsarstual, à Bila, à Etsem, à Tela, à Betuel, à Orma, à Tsikla, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Biret, et à Saharajim. Ce furent là leurs villes jusqu'au temps que David fut roi. Et leurs bourgades furent, Étam, Agin, Rimon, Tocan, et Assan, 5 villes, et tous leurs villages, qui étaient autour de ces villes-là, jusqu'à Baal. Ce sont là leurs habitations, et leurs généalogies. Ormézobab, Janlec, Josa fils d'Amatsia, Joël, Jéhu fils de Josibia, fils de Seraja, fils de Haziel, Elioenaï, Jaakoba, Jezaaja, Azaïa, Adiel, Jezimiel, Beneja. Et Ziza, fils de Sifi, fils d'Alon, fils de Jodaja, fils de Sinri, fils de Semaja, étaient ceux qui avaient été nommés pour être les principaux dans leur famille, lorsque les maisons de leur père multiplièrent beaucoup. Et ils partirent pour entrer dans Guédor, jusqu'à l'orient de la vallée, cherchant des pâturages pour leurs troupeaux. Et ils trouvèrent des pâturages gras et bons, et un pays spacieux, paisible, et fertile, car ceux qui avaient habité là auparavant étaient descendus de Cam. Ceux-ci donc qui ont été décrits par leur nom, vinrent du temps des Échias rois de Juda, et abattirent leurs tentes, et les habitations qui furent trouvées, et les détruisirent à la façon de l'interdit, jusqu'à ce jour, et y habitèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs brebis. Et 500 hommes d'entre eux, c'est-à-dire, des enfants de Siméon, s'en allèrent en la montagne de Séir, et ils avaient pour leur chef Pelatia, Néharia, Rephéa, et Uziel, enfants de Jissi, et ils frappèrent le reste des réchappés des Amalécites, et ils ont habité là jusqu'à aujourd'hui.